Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Pour la coupure des vacances d'été, je vous propose de donner la parole à des experts des nouveaux récits pour questionner leur pouvoir et leurs effets sur la transformation de notre société. Cette interview avec Albin a été menée dans le cadre des soirées refuges qui sont organisées tous les mois pour la communauté des animatrices et animateurs des voyages en 2030 glorieuses afin que toutes et tous ensemble, nous puissions nous améliorer dans notre capacité à déployer, développer, créer de nouveaux récits. Bonne écoute à vous. On a avec Arthur l'envie de faire en sorte que notre communauté des guides 2030 glorieuses, puisque sont les animateurs et les animatrices, elles soient formées, outillées, aiguillées et qu'elles puissent apprendre, avancer, consolider son savoir lié aux questions des utopies, des nouveaux récits, des nouveaux imaginaires dont on entend de plus en plus parler. Et donc, tous les mois, on organise ces soirées refuges qui permettent de rencontrer une personne proactive, en général même éclaireuse de ces sujets. Et c'est l'occasion d'avoir une conversation à bâton rompu pour à la fois peut-être éclairer certains angles morts, peut-être aussi aiguiser certaines conceptions que vous avez déjà développées, pourquoi pas même essayer d'avancer des théories que vous commencez à expérimenter sur le terrain. Et puis aujourd'hui, on a de la chance puisqu'on reçoit Benoît qui est avec nous et qui a cofondé la fresque des nouveaux récits. Benoît, je ne vais pas me lancer dans ta bio, je pense que ce sera beaucoup plus simple si c'est toi qui le fais. Et du coup, je vais même jouer le jeu des 2030 glorieuses qui, pour si vous l'avez déjà écouté, le podcast commence toujours de la même manière. Si jamais tu rencontres quelqu'un dans une soirée, une personne que tu n'as jamais encore vue et qui arrive à la question fatidique du « et toi, tu fais quoi dans la vie ?» Qu'est-ce que tu réponds maintenant ? Merci beaucoup, Julien, déjà pour l'invitation. Alors, qu'est-ce que je réponds ? Moi, je dis que j'ai une mission, une raison d'être professionnelle, c'est de contribuer à accélérer la transition écologique et solidaire. Et donc, moi, je me concentre sur la dimension humaine et organisationnelle de cette transition. Et donc, globalement, concrètement, qu'est-ce que je fais ? Je partage mon temps entre trois tiers. Un tiers, j'accompagne des particuliers dans leur transition pro. Donc, c'est toutes les personnes qui ont pris conscience, finalement, que notre modèle est insoutenable. Et comme le travail, ça sert à façonner le monde, ils ont envie de se réaligner. Donc, je fais des bilans de compétences et des coachings. Un tiers, j'accompagne des organisations dans cette transition. Et moi, je m'occupe de la première marche de toute transition, qui est un, donner du sens à cette transition, et deux, susciter du désir. Pourquoi du sens ? C'est qu'en psychologie du travail, j'ai découvert que la différence entre un effort qui va être source de souffrance et le même effort qui va être source de plaisir, c'est est-ce qu'il a du sens ou est-ce qu'il est absurde ? Et donc, typiquement, dans une organisation, souvent on parle d'écologie punitive, bah, c'est souvent que ça traduit que pour les gens, ça n'a aucun sens. Et le désir, pourquoi ? C'est que moi, j'ai la conviction qu'aujourd'hui, si on fait un micro-trottoir auprès des 67 millions de Français et on leur dit ce qu'on doit faire collectivement, si vous deviez le résumer en un mot, qu'est-ce qui vous vient en tête ? Ce serait finalement une grande privation. Et comme il y a un biais cognitif d'aversion à la perte, j'ai la conviction que tant qu'on restera sur cet imaginaire-là, en psychologie sociale, on parle de représentation sociale, et bien finalement, on n'ira pas assez vite. Et donc, moi, j'ai envie finalement de véhiculer plutôt un autre imaginaire qui est plutôt lié à une citation avec laquelle on conclut tous nos ateliers de fresques et nouveaux récits, qui est « Heureuse coïncidence, que ce que nous devons faire pour survivre et ce que nous devrions faire pour être heureux coïncide. » Et donc ça, essentiellement, je le fais le sens via la fresque du climat. J'anime avec une dimension psychologique poussée. Et ça, je suis en mission à la fresque du climat aussi. Parce que comme l'a dit Marion tout à l'heure, l'idée, c'est de ne pas finir dépressif. Et en fait, l'objectif, c'est que de plus en plus d'animes arrivent en fin d'atelier à ce que leurs participants et des participants sentent qu'ils ont du pouvoir d'agir et que c'est pas foutu. Parce que ça, c'est deux des ingrédients de la dépression. Et comme les gens ne sont pas faits pour être en dépression, c'est normal qu'il y ait des mécanismes de défense qui se mettent en place. Et donc, l'idée, c'est ça. Et le désir, c'est lié à la fresque des nouveaux récits. Et le dernier tiers, moi, j'ai la conviction que ce qu'on doit faire collectivement, là, c'est une révolution aussi profonde que la révolution industrielle. Il va falloir profondément changer la façon dont notre société est organisée. Et donc, pour moi, c'est important de me former un peu tout le temps pour pouvoir contribuer. Et donc, je dis que c'est ma recherche et développement à moi. Et donc, 6 mois de l'année, je me forme en psychologie. Donc, actuellement, je viens de finir un master 1 de psychologie sociale, dans le cadre duquel j'ai rédigé un mémoire sur la question de l'éco-anxiété dans le contexte des organisations. Et les 6 mois restants, je me forme sur toutes les compétences de la transition. Donc, ça va de la facilitation d'ateliers d'intelligence collective à la permaculture. Par exemple, cette année, j'ai suivi avec Fertile, un organisme de formation de la transition, l'APACO, donc la formation à la posture apprenante de coopération. Et donc, tout ça fait synergie et donc c'est très, très chouette. Moi qui ai beaucoup cherché ma place, je suis très content de pouvoir me présenter comme ça, même si c'est un peu long. Merci, Julien. Moi qui pensais qu'on allait avoir 40 minutes d'échange entre nous, puis ensuite 40 minutes d'échange avec les personnes qui sont avec nous. Bon, j'ai l'impression qu'on est parti pour 40 heures, en fait, hein, de marathon d'échange, tellement tu as des casquettes et on a des choses qu'on pourrait se dire. Mais tout de suite, là, tu vois, tu nous dis que l'écologie, c'est vrai, est souvent présentée comme punitive. Alors, on peut se satisfaire du fait qu'on entend de plus en plus parler d'écologie du fait des règlements, du réchauffement, des catastrophes climatiques qui sont en train de se rapprocher et qui se rapprochent aussi géographiquement de nous, notamment là parce qu'on est en plein été à l'heure où on parle. On a de plus en plus, même si c'est encore en fait assez minime, de temps d'antenne, de temps de lecture, de temps de vidéo qui est proposé à des personnes comme Camille Etienne, Aurélien Barraud ou Jean-Marc Jancovici, qui n'ont pas toutes et tous la même posture, mais qui, c'est vrai, en général, présentent l'urgence d'agir avec un message qui pourrait apparaître comme étant anxiogène, si bien que hier, 17 juillet 2023, si vous écoutez l'enregistrement dans quelques temps, il y a Le Figaro qui a fait sa une. Je montre la une à l'écran, mais vous nous écoutez en podcast, et donc la une dit « Le ras-le-bol des Français » face aux activistes écologiques. J'ai l'impression que vous, avec la fresque des nouveaux récits, vous êtes dans cet angle mort-là. Non, vous essayez de faire un peu ce SAV de la sobriété punitive, culpabilisatrice, anxiogène, de cette écologie chiante, rasoir, qui fait qu'on a l'impression qu'on doit changer le monde et que, d'une certaine manière, ces écolos ont un peu raison, mais qui nous font quand même sacrément chier, non ? Oui, alors moi je sais que souvent par rapport à ces sujets-là, il y a souvent un peu la question de finalement pour être impactant, est-ce qu'il faut faire peur ou est-ce qu'il faut susciter du désir ? Moi j'ai la conviction que en fait l'idée c'est pas de faire peur, c'est juste que si on a l'émotion de peur, c'est un indice qu'on a compris que c'était grave ce qui se passait. Donc c'est pour ça, par exemple, si je reprends la fresque du climat, c'est normal que les gens aient peur à un moment de l'atelier, par contre c'est important de pas les laisser comme ça à la fin. Et donc moi je dis un peu dans la fresque du climat, par exemple, pour moi je vois deux temps. La première partie, c'est plutôt la peur. Donc moi, je dis même Thanatos, c'est un peu le côté vraiment qui fait peur. Et toute la deuxième partie, c'est Eros, c'est vraiment le désir. Et donc, par rapport à ça, c'est vrai, c'est-à-dire que moi, pour avoir un peu creusé quelques sujets en psychologie sociale, c'est-à-dire que si on fait trop peur, il y a des mécanismes de contrôle de la peur qui se mettent en place. Et donc, typiquement, le déni en est un. La culpabilité, c'est vrai que souvent, ça ne met pas toujours en mouvement. Et donc, là, moi, j'ai régulièrement des discussions là-dessus et je vois à quel point les gens sont blessés sur ces sujets-là. Et en fait, il faut réussir à les rejoindre par rapport à ce qui les parle eux. Et donc, c'est pour ça que moi, je dis finalement que ce soit l'urgence la justice sociale ou l'urgence écologique, il y a la même racine. Et donc, moi, je vais sur cette racine et cette racine, pour moi, j'aime bien parler de trois niveaux. Je parle premièrement du niveau, finalement, la question du bonheur, c'est-à-dire la façon majoritaire de poursuivre le bonheur quand on n'est plus dans la survie. Aujourd'hui, c'est une manière très matérialiste. Et la bonne nouvelle, c'est que quand on regarde en sciences humaines et sociales, ce n'est pas quelque chose qui nous rend profondément heureux. Donc moi, je vais aller sur la question du bonheur. Je vais aller sur la question, par exemple, de l'impuissance. C'est-à-dire qu'un truc très, très partagé, et moi, j'ai fait des ateliers dans plein d'endroits, même pour des conseillers d'Emmanuel Macron, et ce que j'ai vu, c'est que le truc très courant, c'est de se sentir impuissant face à l'ampleur des enjeux. Ben là, pareil, je pense que c'est hyper important de jouer sur cette idée qu'en fait, on peut comparer l'humanité à un organisme vivant. Et la clé, c'est est-ce que chacun veut plutôt jouer un rôle de virus ou d'anticorps. Et la bonne nouvelle, c'est que même en tant qu'anticorps, on peut augmenter son pouvoir d'agir. Et si on augmente en pouvoir d'agir, on augmente en joie, parce que la joie, c'est une émotion qui nous informe qu'on est en train d'augmenter son pouvoir d'agir. Et la troisième, moi, c'est un peu au cœur aussi, c'est la question du travail. C'est-à-dire qu'il y a une crise massive de sens au travail. Et comme le travail, ça sert à façonner le monde, aujourd'hui, 7 salariés sur 10 sont désengagés au travail. Donc, on peut se dire que si on arrive à travailler sur le contenu du travail et que les gens y trouvent du sens, ben, en fait, on aura aussi réglé une bonne partie des questions. Donc, finalement, en fait, moi, je vais vraiment sur des questions humaines qui parlent à tout le monde. Et du coup, je me concentre un peu moins sur des questions qui parfois peuvent paraître très, très abstraites. Et l'idée, c'est un peu de s'adapter aux personnes en face de soi. Alors, nous, en France, on est simplement activés, formés, musclés sur notre intelligence rationnelle, mathématique. On nous dit, nous, les Français, cartésiens, réalistes, pragmatiques. Vous, avec la fresque des nouveaux récits, vous essayez peut-être d'avoir une sorte d'hameçon un peu quand même cartésien, puisque vous restez dans le mécanisme pédagogique des fresques, qui est quand même assez linéaire, très cadré, carré, j'allais dire. Et à la fin, vous essayez quand même de twister ça, puisque vous proposez une ouverture. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce format pour les personnes qui ne le connaîtraient pas et nous dire jusqu'à quel point vous vous êtes pas un peu lancé dans une mission impossible, tant on a l'impression quand même que les fresques, c'est fait par des ingénieurs pour des ingénieurs, et que parler de poésie, de nouveaux récits, de nouveaux imaginaires là-dedans, ça semble presque tenir du miracle. Ouais. Alors, c'est vrai que moi, je dis, et je pense que la plupart des fresques, je trouve que c'est intéressant, c'est finalement faire passer les gens de la tête au cœur. C'est-à-dire qu'on est dans un paradigme dominant qui parle beaucoup à la tête. Et moi, j'ai même la conviction qu'on est capable de faire un truc aussi absurde que si la branche sur laquelle le vivant est assis, parce qu'on s'est coupé d'une partie de notre intelligence, qui est l'intelligence émotionnelle. Et donc, finalement, effectivement, la partie 2, la deuxième partie de l'expérience fresque des nourricis, c'est vraiment l'idée, c'est d'être plutôt sur cette partie créative. Donc, pour ceux qui n'auraient pas testé cette expérience, globalement, nous, la raison d'être de la fresque des nourricis, c'est de contribuer à faire émerger un futur qui soit à la fois soutenable, donc inscrit dans les frontières planétaires, et en même temps désirable pour toutes et tous. Notamment cette idée de justice sociale, donc permettre à l'ensemble des êtres humains de répondre à leurs besoins fondamentaux, et en même temps de bonheur, et donc en lien avec la question de la convivialité et la qualité des relations sociales. Et donc, comment est-ce qu'on fait ça? On propose une première expérience inspirée de la pédagogie fresque, où globalement, il y a trois intentions fortes à cette partie carte. La première, c'est faire prendre conscience aux participants et des participants que l'espèce humaine est une espèce fabulatrice. C'est-à-dire qu'elle passe son temps à se raconter des histoires. Et c'est un peu comme le poisson dans l'eau. C'est-à-dire que le poisson dans l'eau, il évolue tellement dans l'eau qu'il n'a même plus conscience qu'il évolue dans l'eau. Et bien nous, c'est pareil. On est entouré d'histoires et on n'en a même plus conscience. Deuxièmement, c'est de se dire, malheureusement, les histoires qu'on se raconte le plus, donc les récits dominants, aujourd'hui, ils contribuent à activer des verrous à la transition. Donc ça permet de comprendre en partie pourquoi est-ce qu'on agit si peu, ou en tout cas pas à la hauteur des enjeux, malgré tout ce qu'on sait, grâce au rapport du GIEC pour le dérèglement climatique, ou l'IPBES pour la sixième extinction de masse des espèces. C'est un peu comme si, en fait, de par la science, on savait qu'il fallait aller dans cette direction, mais tous les jours, on se raconte des histoires, par la publicité, par un certain nombre de choses, qui nous font aller dans la direction opposée. Donc, on parlerait aussi d'injonction paradoxale. Et la troisième intention forte, c'est bonne nouvelle, l'être humain n'est pas programmé pour détruire la planète, et mettre en place des systèmes sociaux inégalitaires, les nouveaux récits peuvent véhiculer des idées qui agissent comme des clés sur ces verrous, en mettant massivement les gens en mouvement et ainsi contribuer à accélérer la transition. Donc ça, c'est la partie 1, c'est la partie carte. Et la deuxième partie, là, on est vraiment inspiré de l'utopique fiction, où en fait, on met les participants en groupe de 3-4. Et l'idée, c'est d'aller inventer un futur désirable en groupe de 3-4, où ils seront actrices et acteurs. Ça nous tient vraiment à cœur. Pourquoi? C'est qu'à travers ça, on essaye finalement de poursuivre deux principaux objectifs. Le premier, c'est de lutter contre un sentiment d'impuissance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on les a incités à être actrices et acteurs, ils n'ont pas tout fait tout seuls, mais ils ont été l'étincelle. C'est un peu incarné cette phrase de Margaret Mead qui dit « Ne doutez jamais qu'un petit nombre d'individus conscients engagés peut changer le monde. En réalité, c'est toujours ainsi que le monde a changé. » Donc nous, vraiment, on veut changer de regard. On veut dire aux gens, vous êtes des pionniers et des pionnières. Le changement, ça passe toujours par ces fameux pionniers et ces pionnières. Et la deuxième grosse intention, c'est de donner de la chair, de concrétiser cette citation de Jason Nicol que j'ai déjà dit tout à l'heure. Heureuse coïncidence que ce que nous devons faire pour survivre et ce que nous devrions faire pour être heureux coïncident. C'est-à-dire qu'en fait, à travers leur récit, eh bien, on se dit en fait, oui, vraiment, c'est possible. C'est pas si loin que ça de nous et c'est vraiment désirable. Donc, voilà un peu sur l'expérience, Julien. Est-ce que ça marche? Quels sont les retours des personnes qui participent à vos ateliers? Moi, je sais que j'ai participé, j'ai mon avis. Mais comment tu vois ça sur le temps long je suis passé sur votre site internet aujourd'hui, plus de 4000 personnes qui ont déjà participé à une fresque. Les nouveaux récits, si je n'ai pas de bêtises, à mars 2023. Peut-être que le chiffre a été un peu mis à jour de plus. On est plus proche de 8000 maintenant. Ah ouais. Mais en fait, ce qui est compliqué, moi, c'est pareil là, dans mes missions à la fresque du climat, c'est que le principal déterminant de l'impact d'un atelier, c'est l'expérience de l'anime. C'est-à-dire que plus on anime, plus on monte en compétences, plus on va être capable d'animer un atelier qui va être impactant. Et donc, typiquement sur la partie 2, comme on a tous une croyance, en tout cas pas tous, mais on est nombreux à avoir une croyance limitante sur laquelle à la fois on est impuissant et à la fois on n'est pas créatif, et bien plus on a un anime qui est capable de lever, d'aider à lever ses croyances limitantes, plus finalement l'atelier va pouvoir être impactant. C'est juste un exemple. Mais donc du coup, en fait voilà, c'est pour dire déjà, il faut se dire que tous les ateliers n'ont pas le même impact et c'est normal. Moi, je pense que la principale puissance des fresques, c'est que ça permet à plein de gens qui ne savaient pas encore comment contribuer, rentrer dans cette dynamique potentiellement exponentielle d'impact. C'est une toute petite marche. On participe à un atelier de 3 heures, on se forme globalement en 3 heures et demie, et après ça, on peut animer, et après, on rentre dans un écosystème, et comme en coaching, on dit qu'on est la somme des 5 personnes avec lesquelles on passe le plus de temps. En fait, on est dans sa propre transition, on a plein d'idées, etc. Mais ça mis de côté, moi, c'est vrai que j'ai beaucoup de témoignages de personnes qui me disent que cette fresque-là, ça a été leur déclic de l'année. Ça a été… c'est leur fresque préférée. Enfin, voilà, j'ai un certain nombre de retours comme ça et de personnes qui me disent, moi, clairement, cette fresque, j'aime beaucoup l'animer parce qu'à chaque fois, on se sent énormément boosté et on sent que ça contribue à un changement d'imaginaire et aussi de pouvoir d'agir. C'est-à-dire que nous, on finit toujours nos ateliers en demandant de résumer en un mot l'état d'esprit des participants. Et les mots qui ressortent souvent, c'est espoir, pouvoir d'agir, mise en mouvement, etc. Et en fait, quand on voit ça, et les gens vraiment… Et moi, c'est aussi ça que je voulais faire vivre. C'est-à-dire que moi, j'avais participé à un atelier Travail qui relie avec Joanna Macy. Et à un moment donné, dans la troisième étape, changer de regard, on nous avait dit, imaginez que vous parlez à une petite fille en 2050 et vous avez réussi à le faire, cette transition. Vous avez réussi à la faire. Et moi, je suis sorti de cette petite expérience-là en mode, bah oui, en fait, c'est possible. J'avais l'intime conviction que c'était possible. Et moi, c'était ça, finalement, que je voulais faire vivre. C'est-à-dire, les personnes sont tellement engagées dans leur récit que c'est presque, c'est pas de l'auto-conviction ou de l'auto-hypnose, mais il y a vraiment quelque chose de l'ordre de, en fait, je peux développer l'intime conviction. C'est-à-dire que nous, on veut cultiver ce qu'on appelle un optimisme actif. En mode, je suis optimiste, en mode, c'est pas foutu, c'est pas binaire, c'est pas soit on réussit, soit on rate. On peut réussir plus ou moins. Et en même temps, je suis actif. C'est-à-dire que, je vois comment contribuer. Et donc, à ce niveau-là, je pense que, en tout cas, les retours que j'ai, par exemple, nos formations à l'animation, mais du coup, forcément, c'est les gens qui ont été les plus impactés. Mais quand on leur demande un peu pourquoi ils ont décidé de se former, c'est des retours comme ça qu'on a. Et est-ce que vous êtes capable de dire quel est les parcours types, parce que j'imagine pas un seul parcours type d'une personne qui ressort justement d'une fresque des nouveaux récits et qui ensuite devient animatrice ou animateur ou va découvrir de nouveaux podcasts, de nouveaux bouquins, se lancer dans une formation, une reconversion professionnelle. Est-ce que vous avez un peu l'impact et les différentes vagues du ricochet sur le temps un peu plus long? J'avoue que ça là-dessus, et c'est un peu le même écueil avec la fresque du climat en tout cas, c'est que il n'y a pas forcément d'analyse. C'est-à-dire que nous, là, et peut-être que ça changera, on est régulièrement contacté par des chercheurs qui sont vraiment hyper intéressés par notre fresque, à la fois par le contenu des récits, mais en même temps un peu par rapport au sujet que tu soulèves. Et donc, peut-être que ça va venir. Mais aujourd'hui, en fait, on va dire qu'on concentre notre énergie sur finalement faire aussi monter en compétence la communauté. Je donne juste un exemple. Nous, l'objectif, c'est aussi d'impacter en dehors de nos fresques. C'est-à-dire qu'on veut diffuser dans l'espace public, nos utopies, donc nos futurs désirables réalistes. Donc nous, de ce côté-là, on s'inscrit plutôt dans la lignée de Thomas More, qui a écrit Utopia au XVIe siècle, et pas au sens qu'il a pris aujourd'hui, le mot utopie, au sens irréaliste. Nous, vraiment, on revient le pouvoir des utopies pour changer le statu quo. Et donc, sur ça, l'objectif, c'est de diffuser les meilleurs des nouveaux récits. Et donc, on a développé un référentiel pour dire globalement à nos animes, bah, sachez que nous, au sens de la phrase de récit, on considère qu'un récit va être impactant si. Et si je résume les critères, c'est est-ce qu'il il cultive chez celui qui, chez ceux qui créent le récit et chez ceux qui l'écoutent, un optimisme actif, en mode j'ai du pouvoir d'agir, c'est possible. Et donc ça, bah, on voit bien qu'entre avant et après notre référentiel, bah, forcément la communauté va pouvoir monter en compétence là-dessus, parce que jusqu'à présent, on n'avait pas rendu visible de qu'est-ce qu'on estimait être un récit impactant. Et après, ce qui est compliqué aussi de répondre, c'est que par exemple, là, moi, je l'ai fait assez récemment au C3D, au conseil d'administration du Collège des directeurs de développement durable. Donc eux, moi, vraiment, le retour qu'ils m'ont fait, ils m'ont dit, c'est hyper intéressant cet outil parce que ça nous permet finalement ça nous ouvre des champs des possibles et finalement des pistes d'action qu'on n'avait pas encore explorées pour finalement embarquer beaucoup plus massivement les gens parce qu'on a l'impression que les leviers qu'on utilise jusqu'à présent, on a un peu de mal à embarquer les gens. Et donc, entre bah, des dirigeants d'entreprise qui, pour le coup, ne prendront pas le temps de se former, entre des salariés, parce qu'on a commencé aussi à former des salariés en interne pour devenir un peu ces fameux pionniers et ces pionnières, ces ambassadrices des nouveaux récits au sein de leur entreprise. Et puis, des personnes du grand public. D'ailleurs, nous, on a des parties 2 qui s'adaptent au contexte. Donc, par exemple, quand c'est le grand public, ça va être la fabrique des utopies réalistes. Et donc, on va tourner autour de la transformation d'une norme sociale pour passer d'une norme sociale qui contribue à la grande accélération. Par exemple, si on prend l'exemple de la fast fashion, derrière ça, c'est l'idée que plus je change souvent d'habits, plus je suis stylé. Et ça, on voit bien, j'avais fait la fraise du textile, on apprenait qu'aujourd'hui, on avait fabriqué suffisamment d'habits pour s'habiller pendant 80 ans. Et bien, on voit bien que cette norme sociale-là, finalement, elle contribue à scier la branche à laquelle le vivant est assis. Et donc, si on arrive à la remplacer par une nouvelle norme qui, elle, peut contribuer à faire émerger ce futur soutenable, donc nous, on parle de l'économie du donut, donc c'est de nous faire évoluer dans un espace sûr et juste pour l'humanité entre un plafond écologique et un plancher social. Et donc, voilà, je ne réponds pas complètement à ta question, mais c'est parce qu'aujourd'hui, en fait, on n'a pas encore fait ce type d'analyse. Parce qu'aujourd'hui, on est vraiment plus à. On a plein de demandes et pour l'instant, on priorise plutôt d'autres axes, augmenter l'impact, agrandir la communauté, des choses comme ça. Ouais, et puis j'entendais aussi que tu me disais presque en introduction de notre échange que vous aviez un grand enjeu qui était de faire en sorte que la qualité elle soit assurée au maximum avec des animateurs. Je ne sais pas si le mot c'est compétent, efficace ou au contraire même épanoui ou formé ou expert. Et donc là, moi en ce moment, je fais une petite digression, mais je suis en train de préparer un marathon et je tombe tout le temps sur ces vidéos qui disent 5 conseils pour bien réussir ton marathon. C'est quoi les 5 conseils pour être un bon animateur de la fresque des nouveaux récits? Tu le disais, le premier conseil, j'ai l'impression que c'est de répéter encore et encore l'effort, de ne pas hésiter à en faire beaucoup parce que ça mérite d'être pratiqué, cette animation des fresques. Lesquels seraient les 4 autres? Alors peut-être moi les conseils comme ça, ce serait c'est en fresquant qu'on devient fresqueur, donc c'est le premier. Et surtout, du coup, c'est de fresquer le bon public en fonction de son niveau du moment. Mmh. Parce que sans ça, en fait, on risque d'être moins impactant et du coup, ça peut aussi un peu moins, ça peut nous démotiver un petit peu. Donc c'est important d'être toujours dans sa bonne zone. Comment on le sait, ça, qu'on est dans la bonne zone pour fresquer? Alors, d'ailleurs, tu viens de m'apprendre que fresquer était devenu un vrai verbe. Alors, il n'est pas encore dans le dictionnaire, l'Académie française ne l'a pas validé. Hein. C'est plutôt en interne, on fait plein de dérivés du mot fresque. Mais oui, en fait, et j'essaye un peu de. Là, je suis en mission à la fraise du climat là-dessus. Parce qu'en fait, on constate dans la fraise du climat que sur les 50 000 animateurs dans le monde, il y en aurait à peu près 30 000 qui n'ont jamais animé. Et la clé, c'est. Comment à la fois les aider à passer plus le pas et en même temps préserver l'image de la fresque, parce que l'image d'une fresque, enfin de tout, ça met beaucoup de temps à se construire et ça peut s'effondrer très rapidement. Et comme dans la tête des gens, un atelier égale un atelier, les gens n'ont pas le recul de se dire « Ah oui, mais peut-être que j'avais un néo-anime, etc. » Et donc là, j'essaye en me basant sur la courbe du changement de paradigme de dire globalement ceinture blanche, donc c'est le premier niveau de ceinture de la fraise du climat, on a la même logique à la fraise de Russie. Ce serait un public plutôt, on va dire, facile. Et qu'est-ce que j'entends par facile? C'est par exemple, quand on fait des ateliers grand public, si quelqu'un vient, quand il voit fresque des nouveaux récits, que le mot nouveau récit résonne, c'est qu'a priori, la personne a déjà fait un peu de cheminement. Par contre, si on va commencer à animer en entreprise, potentiellement face à des publics qui sont en conflit d'intérêt avec les sujets qui nous intéressent, donc psychologiquement, il va falloir avoir des outils pour être capable de gérer, c'est-à-dire prendre conscience que ça ne va pas que être une question de rationalité, mais que ça va beaucoup plus être une question de psychologie. Potentiellement les personnes elles ont été obligées de venir là, que en fait on prend conscience, enfin voilà, un certain nombre de choses. Donc là je reste sur mon, enfin, donc j'ai pas encore répondu à tes cinq. Ouais, c'est plus facile d'animer quand tu animes pour des personnes qui sont heureuses d'être là plutôt que quand tu es là pour des personnes qui ont rien demandé en fait. Voilà. Après là on a fait à très grosse maille et moi j'ai essayé de rentrer un peu plus finement, okay, avec cinq niveaux pour la fresque du climat et on va s'inspirer de ça pour la fresque des nourriciers. Mais et donc comme ça, ça permet à la fois de protéger l'anime et en même temps de protéger l'atelier. Voilà, parce que là, on commence à avoir des retours, la fresque du climat est plombante. Alors, en fait, c'est que c'est a priori pas le bon anime en face de la bonne personne, quand on a ce type de retour. Donc c'est ça qu'il faut essayer un peu d'améliorer. Le deuxième conseil, c'est pour moi le critère principal de l'impact de l'atelier, c'est l'alliance créée avec ses participantes et ses participants. C'est-à-dire que c'est d'abord et avant tout une expérience humaine, relationnelle. Et donc l'alliance, moi, je l'ai tirée de mes cours de psychologie. C'est-à-dire qu'on dit en psychologie, il y a différents types de psychothérapie qui marchent plus ou moins bien selon le type de pathologie, mais il y a un critère que toutes les psychothérapies doivent respecter, c'est l'alliance. C'est le lien créé entre la personne accompagnée et la personne qui accompagne. Et donc, il y a notamment trois conditions à cultiver pour que cette alliance soit forte. C'est un regard positif inconditionnel. C'est-à-dire que même si l'autre en face balance des bêtises, il faut vraiment avoir un regard positif. Le deuxième, c'est la capacité d'empathie, c'est la capacité à rentrer dans le monde intérieur de l'autre. Et du coup, bah, ça permet de mieux comprendre pourquoi il a sorti cette grosse bêtise. Peut-être que c'est une manière pour lui de se défendre, peut-être qu'en fait, etc. Et le troisième, c'est la congruence. C'est quand ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais sont alignés. C'est une manière finalement pour l'autre de sentir qu'il n'est pas manipulé. C'est-à-dire que, en fait, on sent quand quelqu'un potentiellement il est en train de. Bien sûr. Voilà. Et donc ça, le deuxième, c'est l'alliance. Pour moi, c'est la chose hyper importante. La troisième, c'est d'avoir en tête, ça pourrait faire écho aux accords Toltec, c'est de se dire, ou en tout cas, c'est de ne pas mal interpréter les gestes de l'autre. Je donne un exemple. J'ai dit tout à l'heure qu'on est beaucoup à avoir intériorisé la croyance limitante sur laquelle on n'est pas créatif. Alors que quand on était enfant, on ne se posait pas la question si on était créatif ou pas, on créait. Et bien, potentiellement, dans notre deuxième partie, on peut avoir des participants qui peuvent être un petit peu réticents à se lancer. Presque. On a l'impression qu'ils ont la flemme. En fait, il ne faut pas interpréter, à mon sens, cette flemme ils ont la flemme, mais il faut aller chercher ce qu'il y a derrière cette flemme et potentiellement, c'est qu'en fait, ils ont peur. Ils pensent qu'ils ne vont pas être à la hauteur. Et ça, c'est un mécanisme de défense. C'est-à-dire qu'une manière de préserver son estime de soi, c'est de ne même pas faire. Parce que si je ne fais même pas, je ne risque pas de me planter et donc je peux préserver mon estime de soi. Et donc là, l'idée, c'est que la personne, plutôt que de braquer l'autre, c'est vraiment de l'accompagner en disant « mais t'inquiète pas, ça va bien se passer ». De toute façon, même si tu fais un petit récit pas très long, etc. C'est d'abaisser la marche, quoi. Donc, ça, je dirais, c'est de ne pas penser à mal parce qu'on peut avoir tendance et prendre du recul sur sa première lecture, entre guillemets. La quatrième, je dirais, c'est c'est un peu en lien avec la troisième, c'est l'effet Pygmalion. C'est avoir toujours l'effet Pygmalion en tête. C'est quoi l'effet Pygmalion? C'est l'idée de se dire souvent, on a tendance à se conformer au regard qu'on pose sur nous. Et donc, ce qui est important, par exemple, pour la partie 2, c'est de poser un regard sur les participantes et participants en mode « mais bien sûr que vous allez y arriver, bien sûr que vous êtes créative et créatif ». Et en fait, avec ce regard-là, plus la possibilité d'abaisser la marche en mode « baisser les exigences sur le récit, la durée, etc. Et », en fait, on arrive à faire en sorte qu'ils fassent la chose hyper importante pour eux, qui est de réussir à faire un truc qu'ils pensaient impossible au début de l'expérience, à savoir créer un récit avec des personnes qu'ils connaissaient à peine. Et donc ça, c'est le quatrième. Et le cinquième, je dirais… C'est important de garder en tête l'intention de chacune des séquences de son atelier. C'est là au-dessus, je crois, qu'il disait, celui qui n'a pas d'objectif ne risque pas de les atteindre. Eh bien, si, en tant qu'anime, on se rend visible, quelle est l'intention, quel est l'objectif visé par chacune des séquences, eh bien, on a beaucoup plus de chances de les atteindre. Et du coup, ça permet aussi d'éviter… En fait, la chose la plus précieuse dans un atelier, c'est le temps. C'est-à-dire que ça peut être des demi-journées, ce qui est monstrueux par rapport à… Là, la plupart des formats en ligne, etc., c'est 5 minutes de vidéo. Maintenant, l'économie de l'attention, etc., fait qu'on a des formats toujours plus courts. Nous, on a la chance d'avoir des demi-journées. Et bien, pourtant, chaque minute est indispensable dans l'atelier. Et du coup, je donne un exemple. Comme le cerveau humain aime apprendre, l'idée, c'est de prioriser, pour la partie 1, par exemple, les connaissances qui augmentent le pouvoir d'agir des gens. Ce n'est pas la connaissance pour la connaissance, mais c'est celle qui augmente le pouvoir d'agir des gens. Et finalement, tes conseils sont très centrés sur vraiment la posture d'animateur. plutôt que les compétences. C'est vraiment du savoir-être, c'est du savoir accompagner, c'est du savoir faire briller, savoir mettre en mouvement. C'est pas du tout être capable justement de dire quand est-ce que Thomas More a écrit Utopia et pourquoi en ce moment on dit plutôt nouveau récit ou nouveaux imaginaires et qu'est-ce qu'est en train d'écrire Aurélien Barraud comme prochain livre. En fait, on n'est pas du tout sur cet apport d'alternatives, de sujets, de projets qui permettraient d'ouvrir plus grand, de sortir du cadre et de montrer que c'est possible. Non, parce qu'en fait, c'est aussi l'idée, c'est que le but des fraises, c'est quand même d'être un minimum autoportant. Et donc, finalement, rien qu'avec le contenu qu'on propose aux animes, normalement, ils ont ce qu'il faut. Mmh. Après, bien sûr que, je donne un exemple, c'est pareil pour la fraise du climat, c'est-à-dire qu'il y a des contextes, oui, ça peut être intéressant d'avoir ces connaissances en plus. Pourquoi? Parce que quand on fait une fraise face à, par exemple, des polytechniciens ou des énarques, eh bien, en fait, potentiellement, ils ne vont pas nous accorder de l'attention tant qu'ils ne vont pas être sûrs qu'on est digne de confiance. Et donc, le fait, par exemple, d'être capable d'expliquer super simplement le forçage radiatif pour la fresque du climat ou de donner un certain nombre, un peu d'exemples comme tu les as donnés pour la fresque des nouveaux récits, ils vont se dire, ah oui, cette personne-là, en fait, elle est légitime pour prendre de mon temps et donc je vais faire attention à ce qu'elle va dire. Mais hormis ces publics compliqués, enfin plus compliqués, c'est moins le cas pour les autres. Et donc pour les autres, finalement, c'est le but des fraises, c'est d'être quand même relativement autoportant. Mmh. Je m'étais noté plein de questions et tu as déjà commencé à toucher du doigt plein de choses qu'on va creuser dans la deuxième partie, notamment sur la posture animateur où tes retours sont, je trouve, très denses, très pertinents. Et vu que ce contenu, ce format, il est plutôt dédié à des personnes qui sont justement soit déjà lancées en tant qu'animatrice ou en tant qu'animateur, soit qui justement n'ont pas encore osé franchir le pas, je trouve que tes apports sont hyper pertinents, c'est génial. J'aimerais quand même, et là c'est presque un peu plus ma curiosité, nous arrêter un poil plus sur notre milieu, notre secteur des nouveaux récits. Parce que tu renvoies depuis tout à l'heure à aussi la fresque du climat. Et c'est vrai qu'avec Inventons nos vies bas carbone, avec 2 tonnes, on a vraiment un élan assez extraordinaire qui a été créé sur, on les appellerait les ateliers de sensibilisation à l'urgence climatique. Tu parlais d'extinction de la biodiversité, mais c'est vrai qu'en général, c'est très centré carbone. Nous, on est quand même, et je dis nous parce que avec Arthur, on porte les 2030 Glorieuses, qui est un format d'atelier aussi pour libérer des utopies. On pourrait aussi mettre dans ce sac Futur Proche, on pourrait mettre le Match du siècle, et donc forcément la fresque des nouveaux récits. Comment tu vois cet élan? Comment tu vois cet engouement? Est-ce que tu trouves que justement il y en a un d'engouement? Est-ce que tu trouves que c'est un risque d'avoir de plus en plus d'ateliers qui vont diluer un peu la qualité de nos formats? Comment tu réponds à ça? Ouais, carrément. Non, ben moi, alors je vois un véritable engouement. Moi, j'ai vraiment l'impression que. Après, évidemment, comme voilà, on est sur ces sujets, ben on est dans une chambre d'écho qui fait qu'on est aux premières loges. Pour voir finalement ces signaux faibles qui montent. En tout cas, depuis que je suis sur ce sujet, donc on va dire à peu près 4 ans, je vois vraiment c'est vraiment en train de grandir. C'est-à-dire que là, par exemple, j'étais la semaine dernière, ouais, je crois que c'est la semaine dernière, j'ai fait 2 ateliers la même semaine pour SNCF Lab et TF1. Et TF1 est membre aussi d'initiative l'Assemblée des Imaginaires dont vous avez, j'imagine, entendu parler. Et du coup, vraiment, j'ai l'impression que c'est en train de... Après, moi, c'est hyper important d'avoir plusieurs acteurs et actrices parce qu'en fait, on n'aborde pas cette thématique des nouveaux récits avec les mêmes angles. Et c'est des angles complémentaires. C'est-à-dire que moi, j'ai fait les 2 expériences, enfin les 3 même. J'ai participé à Futur Proche il y a peut-être 3 ans de ça. J'ai participé à 2030 Glorieuses et j'ai participé au Match du siècle. Et pour moi, à chaque fois, finalement, forcément, ces expériences reflètent un peu la singularité des personnes qui les ont créées. Et donc, l'angle aussi avec lequel elles sont venues sur la question des nouveaux récits, des imaginaires. Et donc, pour moi, c'est vraiment différent. Donc, c'est hyper important, finalement, d'avoir plein d'acteurs parce que du coup, il y a une vraie complémentarité et ça permet aussi de toucher plein de personnes différentes parce que certaines vont être plutôt touchées par les questions, on va dire, de prospective, d'autres vont être plutôt touchées par les questions justement un peu plus psychologie, sociale, de changement un peu de représentation sociale, etc. Donc non, moi, je trouve que c'est hyper important d'avoir plein d'acteurs. Dis-moi si je me trompe, mais de plus en plus, quand justement on parle de la pertinence d'animer un voyage en 2030 glorieuse, on me dit, mais alors, est-ce qu'il faut absolument avoir fait une fresque du climat avant de faire un voyage en 2030 glorieuse? Et moi, j'ai tendance à répondre aux gens de la manière suivante, de leur dire, bah, écoutez, en fait, c'est vraiment comme vous le souhaitez et comme vous pensez que la dynamique du groupe est en train de se créer, puisque on peut très bien se dire, bah, regardons plus loin, il y a plein de choses enthousiasmantes qui nous attendent et d'autres mondes existent après la fin de ce monde-là. Et donc, ça donne ensuite de revenir dans le présent, d'affronter aussi ces difficultés et de se confronter à toutes ces limites pour vraiment agir avec ambition, mais en connaissance de cause. Et il y en a d'autres qui, au contraire, eux, ont besoin de se prendre la violence, des claques, des constats, et de savoir à quel point bon, le terreau est compliqué, la main est mauvaise, pour le dire comme ça, pour ensuite, derrière, bah, se libérer, s'alléger et se remettre en mouvement à travers nos ateliers. Est-ce que je ne suis pas un peu trop gourmand, un commercial un peu trop enjoué, ou est-ce que finalement, on peut, en fait, un peu vouloir casser cette vision très linéaire, pédagogique, de gravir des échelles et nous représenter une vision un peu plus cyclique? Alors, moi, je pense que c'est un peu comme le coaching. Le coaching, souvent, les gens se disent « mais je veux le faire au moment où ce sera le meilleur, le moment parfait ». Moi, je pense pas. Je pense que le coaching, c'est fait pour accélérer un processus déjà en cours. Et donc, je dirais que c'est pareil pour ces expériences-là. Je pense pas qu'il y ait un bon moment pour le faire. Par contre, ce que je dirais, c'est que, par exemple, nous, la qualité des récits créés va dépendre finalement du niveau de conscience sur les enjeux. C'est-à-dire que plus la personne va être consciente des frontières planétaires, des enjeux systémiques, elle aura des connaissances en économie, etc. Enfin, elle aura pas mal de connaissances, plus finalement le récit qu'ils vont être capables de créer va être hyper impactant et hyper crédible, hyper réaliste. Là, moi, au CNCF Lab, c'était vraiment impressionnant, les récits créés. Franchement, pour moi, c'était, et c'est le but, hein, c'est d'ensemencer les imaginaires, mais aussi faire en sorte que la frontière entre la fiction et la réalité soit la plus fine possible. Et ben moi, tous leurs récits, pour moi, demain, ils peuvent prendre vie. Et c'est vraiment l'objectif. Et donc, pour revenir sur ce que tu dis, c'est-à-dire que bah, pour moi, on peut très bien commencer par 2030 glorieuse, puis faire la fraise de nouveau récit ou l'inverse. Ça dépend un peu de sa façon. C'est-à-dire que je trouve en tout cas que la puissance de la fraise de nouveau récit, c'est pour des personnes qui ne verraient pas l'intérêt de créer des nouveaux récits. Parce que nous, l'objectif à travers cette fraise de nouveau récit, c'est de faire passer les gens par trois étapes. La première, et c'est les trois étapes à faire passer pour favoriser le changement. La première, c'est faire prendre conscience aux gens que le statu quo est illégitime. Parce que tant qu'on croit qu'on est en train de régler les problèmes les uns après les autres, en fait, on contribue à préserver ce statu quo. La deuxième étape, c'est en fait, ce qui peut bloquer une fois qu'on a pris conscience qu'il fallait changer le statu quo, c'est on peut changer le statu quo. Parce que c'est pas le tout de prendre conscience qu'on va droit dans le mur, que le monde est injuste, mais si on pense qu'il est le reflet de la façon dont notre cerveau fonctionne et finalement, l'homme a toujours fonctionné, etc., comme ça, ben en fait, on va pas lever le petit doigt. Donc, c'est une fois qu'on a débloqué le « il faut, on peut », c'est le « comment ». Et donc, nous, on donne notamment un certain nombre d'éléments qui montrent, notamment le précédent American Way of Life véhiculé par Hollywood avec le plan Marshall. En fait, on montre que, si, et puis pareil, moi, je donne une citation de Napoléon qui disait « Je suis le magistrat de la nation qui n'ait qu'un seul pouvoir, celui d'agir sur les imaginaires du peuple. Le jour où ce pouvoir-là me manquera, je ne serai plus rien. » Et donc, on voit que Napoléon était un grand stratège, mais il avait aussi une capacité à créer une vision et embarquer massivement dans cette vision. Et donc finalement, tout l'objectif d'un certain nombre de ces éléments-là, c'est de dire aux gens, vous n'allez pas seulement passer un bon moment en créant des nouveaux récits. Vous allez vraiment augmenter votre pouvoir d'agir et contribuer à changer le statu quo. Et donc voilà, moi je dirais, si les gens ils ont déjà fait un chemin, et pour eux ça a déjà énormément de sens de faire 2030 glorieuse, ou futur proche, ben go direct. Si par contre ils sont sceptiques, là je dirais ben, peut-être qu'il faudrait que vous passiez... par la case fresque nourrice. Mais sans ça, pour moi, il n'y a pas de passage obligé. Tu peux ajouter à tes citations celle de Patrick Vivray qui dit qu'on doit prendre nos rêves et en faire des stratégies. Et donc, on travaille vraiment à ça, à se dire bah, déjà, osons à nouveau rêver et ensuite, fort de ces rêves, rendons-nous compte à quel point on doit être un peu plus stratège, un peu plus machiavélique presque, parce que ces rêves, il faut en prendre soin et on a le droit d'exiger et de faire en sorte qu'ils adviennent ces rêves. J'ai ma dernière question pour toi. Donc, Marion, Arthur, Magali, Nicolas, prenez là vos notes si vous les avez déjà faites ou préparez les questions, comme ça on enchaîne assez rapidement. c'est de me poser la question de l'évolution de la fresque de nouveaux récits. Tu parlais de qualité au début de notre discussion. Est-ce que vous avez listé là un ou deux gros enjeux pour vous dans les prochains mois, peut-être cet été, peut-être à partir de la rentrée, peut-être même pour l'année prochaine, pour continuer à avancer avec le format de la fresque? Ouais. Alors je réponds en deux temps, c'est-à-dire que nous, un petit peu la position qu'on a eue depuis le début, c'était de se dire, en fait, par exemple, on n'a jamais démarché les gens. On s'est dit, nous, l'objectif, c'est finalement de faire ce qui nous paraît avoir le plus de sens, et en se disant que finalement, ça va venir résonner avec des gens, et c'est les gens qui viendront. Et donc, c'est vraiment ça notre. Et c'est pour ça, par exemple, qu'on s'est très vite positionné sur les pionniers et pionnières. Donc, le début de la courbe du changement, c'est parce que quand j'avais été à des festivals, je m'étais rendu compte que. Donc, je demandais aux gens, quand ils s'arrêtaient à notre stand, je leur disais, pourquoi vous êtes arrêtés à notre stand? Pour essayer de comprendre, voilà, finalement, qu'est-ce qui les avait amenés? Ce fameux biais de résonance confirmative, qu'est-ce qui fait que leur attention avait été focalisée sur notre. Et en fait, ça revenait toujours. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que les gens avaient fait quand même un cheminement et ils avaient compris que finalement, les récits actuels, en fait, ils étaient périmés, entre guillemets. Ils étaient peut-être OK il y a quelques temps, mais là, maintenant, en fait, ils ne faisaient plus l'affaire pragmatiquement, puisqu'ils nous rendaient à la fois pas heureux et en même temps, ils conduisaient à nous faire franchir les limites planétaires les unes après les autres. Enfin, les frontières planétaires. Parce que maintenant, j'ai fait l'atelier de Arthur Delassus. Maintenant, j'essaie de plus dire limites planétaires, mais frontières planétaires. Et donc, ça, c'est le premier temps. Mais le deuxième, quand même, pour répondre à ta question, c'est-à-dire que nous, avec le cercle 1, donc l'équivalent, parce qu'on est une asso collégiale, mais c'est l'équivalent d'un conseil d'administration, on fait un master plan tous les 3-4 mois pour réactualiser notre vision, pour être sûr que ce qu'on fait, finalement, est encore ce qui a le plus de sens pour nous et prioriser nos actions. Mais voilà, comme ça, à chaud, je vois les deux choses stratégiques sur lesquelles on veut avancer aujourd'hui. C'est un, le passage à l'échelle de la formation, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait plus de formations qui soient faites parce qu'on a plein de gens sur liste d'attente. Mais pendant très longtemps, en fait, on ne voulait pas massifier la formation tant qu'on n'avait pas à la fois la garantie de pouvoir bien former les gens et en même temps de pouvoir bien les accompagner une fois formés. Parce qu'on voulait éviter l'écueil de la fraise du climat où ils ont 30 000 personnes formées mais qui n'animent pas. Bah, c'est du temps gâché pour les gens qui ont passé tout ce temps à former les gens. Et le deuxième axe stratégique, c'est justement encore mieux accompagner notre communauté pour créer encore plus de liens, pour augmenter l'impact de l'atelier et finalement faire en sorte qu'on ait une communauté qui soit de plus en plus active et qui se transforme de plus en plus. Parce que moi, c'est un peu mon intuition, c'est l'objectif, tout cet écosystème des fresques, c'est de faire des accélératrices et des accélérateurs de la transition et qu'après, on aurait comme des espèces de parcours de formation pour augmenter leur pouvoir d'agir. Et en fait, on rentrerait par n'importe quelle expérience et à la fin, on serait genre avec les aspects savoir, savoir-être et savoir-faire. Donc, à la fois, on va dire connaissances scientifiques, mais aussi savoir-être en termes de postures dont on parlait tout à l'heure, puisque finalement, ces postures qu'on peut cultiver dans le cadre d'un atelier, ils vont nous servir dans la vie de tous les jours pour embarquer massivement. Ouais, merci, Benoît, pour toutes tes réponses. Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus et abonnez-vous à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Moi, je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes et je vous donne rendez-vous sur ça commence par moi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut !